ses funérailles. Le jour de ses funérailles étant fixé, on lui éleva un bûcher dans le champ de Mars, près du tombeau de Julie, et l'on construisit devant la tribune Oharang une chapelle dorée sur le modèle du temple de Vénus Génétrix. On y plaça un lit d'ivoire couvert de pourpre d'or, et à la tête de ce lit un trophée avec le vêtement qu'il portait quand il fut tué. La journée ne paraissant pas devoir suffire au défilé de tous ceux qui voulaient apporter des offrandes, on déclara que chacun irait sans observer aucun ordre et par le chemin qui lui plairait, déposer ses dons au champ de Mars. Dans les jeux funèbres, on chanta des vers propres à exciter la piété pour le mort et la haine contre les meurtriers. Vers qui étaient tirés du jugement des armes de Pacuvius, par exemple, les avais-je épargnés pour tomber sur leur coup, et des passages de l'électre d'Attilius, qui pouvaient offrir les mêmes allusions. En guise d'éloge funèbre, le consul Antoine fit lire par un héros le Senatus Consulte, qui décernait à César tous les honneurs divins et humains, puis le serment par lequel tous les sénateurs s'étaient engagés à défendre la vie du seul César. Il ajouta fort peu de mots à cette lecture. Des magistrats, en fonction ou sortis de charge, portèrent le lit au forum, devant la tribune Oharang. Les uns voulaient qu'on brûlât le corps, dans le sanctuaire de Jupiter, Capitolin. Les autres dans la curie de Pompée. Tout à coup, deux hommes, portant un glaive à la ceinture, et à la main deux javelots, y mirent le feu avec des torches ardentes, et aussitôt chacun d'y jeter du bois sec. Les sièges et les tribunaux des magistrats, enfin tout ce qui se trouvait à sa portée. Bientôt, après, des joueurs de flûte et des acteurs, qui avaient revêtu pour cette cérémonie les ornements consacrés aux pompes triomphales, s'en dépouillèrent, les mirent en pièces et les jetèrent dans les flammes. Les vétérans légionnaires y jetèrent en même temps les armes dont ils s'étaient parés pour les funérailles. Et même un grand nombre de matrones, les bijoux qu'elles portaient avec les bulles et les prétextes de leurs enfants. Une foule d'étrangers prirent part à ce grand deuil public, manifestèrent à qui mieux leur douleur, chacun à la manière de son pays. On remarqua surtout les Juifs, lesquels veillèrent même, plusieurs nuits de suite, auprès de son tombeau.